Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris. Jésus marche. Jésus libère. Jésus rétablit. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des forteresses. Qui passe du nom de chrétien au nom d'un pape. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Je continuais de réclamer la promesse de guérison, mais rien ne se produisait dans mon corps. J'avais une attaque cardiaque. Arrivé au petit matin, mon époux m'a dit « Je ne vais pas aller au travail parce que tu es trop malade. Je vais attendre ce qui va se passer. » Mais c'était le plan du Seigneur qu'il parte à son travail. Et je lui dis « Va-t'en à ton travail, car je ne reste pas seul. Je suis avec le Seigneur. » Effectivement, je ne restais pas seul, je restais avec mon Seigneur. Il arriva le moment décisif qui doit arriver à chaque personne. Il arriva le moment où je sentis la mort très proche. À ce moment, je pris le téléphone qui était à côté de mon lit pour dire au revoir aux êtres que j'aimais. J'appelai la mère de mon époux et je lui dis « Je t'appelle parce que je suis en train de mourir. » Elle avait vécu précédemment une grande bénédiction de la part de Dieu et elle me dit « Quelque chose de grand va se produire aujourd'hui pour toi. Lève-toi de ton lit et continue à louer et glorifier Dieu. » Je lui répondis que je n'avais plus de force, pas même pour m'asseoir dans mon lit. Ce à quoi il me répondit « Le Seigneur te dit de lui réclamer sa force. » Je commençais donc à réclamer la force du Seigneur et à lui dire « Seigneur, tu es ma force. » Et malgré le fait que mon corps était vide de ses forces, je réussis à m'asseoir dans mon lit. Mes jambes se dérobaient sous moi, mon corps tangué de part et d'autre. C'était le moment décisif pour ma vie. C'était le moment de ma rencontre avec mon Sauveur. Je me souviens qu'à ce moment-là, les paroles étaient à peine audibles. Mon esprit réclamait le Créateur de la vie, le Dieu Tout-Puissant. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas entendre ces quelques paroles dans cette chambre. Mais les oreilles et les yeux de mon Dieu étaient attentifs à la clameur que je faisais monter vers lui. « Viens, Seigneur Jésus, car je t'attends, » je lui disais, « Viens, car je sais que tu es réel. » À ce moment-là, je regardais et la chambre était en feu. Une lueur merveilleuse remplit la pièce. Sur le moment, j'éprouvais de la crainte, mais lorsque je compris que ce feu et cette lumière n'avaient rien de terrestre, que c'était quelque chose de céleste, toute crainte disparut de mon cœur, et à ce moment-là, je vis descendre des êtres célestes. Je voyais des anges qui descendaient dans cette chambre, que je pouvais voir marcher et entendre parler. Et je peux t'assurer, Église de Jésus-Christ, que nous ne sommes pas seuls. Il y a des anges qui campent autour de ceux qui craignent Dieu. Je continuais d'acclamer le Créateur de la vie, le Dieu Tout-Puissant. Je regardais par la fenêtre et je vis entrer un être qu'on ne peut confondre. Il était plus précieux que les anges, que les archanges. Il était grand et fort. Jamais ici-bas je n'ai rencontré d'homme d'une telle stature. Il était entièrement vêtu de blanc. Il portait une ceinture d'or croisée sur sa poitrine qui retombait nouée à sa taille. Il portait un ruban incrusté de lettres d'or qui disait « fidèle et véritable ». Il portait à ses pieds des sandales. Ses cheveux étaient bouclés et retombés sur ses épaules. Ils étaient comme de la laine blanche. Son visage resplendissait comme un soleil lorsqu'il brille de toute sa splendeur. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Mais de ce précieux visage jaillissait un amour immense. Celui qui entrait était le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mon corps se mit à trembler, car devant la présence de Dieu, la terre tremble. J'avais la tête basse, mais je pus entendre son pas assuré se diriger vers moi. Il s'approcha très près de moi, et lorsqu'il fut tout près, je ressentis l'attouchement de ce Dieu tout-puissant. Et je relevai la tête, et lorsque je vis ce visage qui me disait « Je suis Jésus-Christ », à ce moment précis, Église de Dieu, je tombais comme morte. Il n'y avait dans cette chambre rien d'humain, il n'y avait que les anges et le Seigneur. Lorsque je tombais, ce fut très loin de mon lit, mais lorsque je repris mes esprits, j'étais étendu sur mon lit, et à la droite de mon lit, s'était assis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon corps restait immobile, mes yeux étaient grands ouverts, je ne sourcillais pas, je regardais ce Dieu réel, ce Dieu véritable. Il se rapprocha et me dit, « Ne crains rien, je suis ce Jésus qui est mort pour toi. Regarde, L'empreinte des clous est toujours dans mes mains. La marque de ces clous était toujours dans les mains de mon Seigneur. Il me dit, j'ai quitté mon trône de gloire, car j'ai à te parler. Il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu dois me remettre. Je croyais lui avoir tout donné, mais celui qui connaît les pensées, qui peut lire au-dedans comme au-dehors, était en train de me dire qu'il y avait encore des choses que je devais lui abandonner. Je lui dis, Seigneur, qu'y a-t-il encore dans ma vie que je doive t'abandonner? Il me répondit, il y a de la colère en toi, de la paresse, des divisions dans ton cœur. Il m'énonça encore différentes choses. Puis il me dit, toutes ces choses minent mon peuple. Vous dites appartenir à la chair, mais vous devez l'abandonner si vous voulez entrer dans mon royaume. Ce n'est pas à 25%, ni à 50%, ni même à 95% que j'exige de toi, c'est 100%. Sois sainte, car celui qui t'appelle est saint, sans tache ni flétrissure. Le Seigneur finit d'examiner ma vie et me dit, nous allons faire un voyage. Je demandais, est-ce le voyage de ma mission? Il me répondit, non, lève-toi. Je me levai de mon lit et je réalisai l'expérience la plus précieuse. Je découvris mon Seigneur comme un ami, comme un frère aîné. Je le suivis au travers des fenêtres de ma chambre. Celle-ci surplombait la ville de New York. Je regardai ce visage merveilleux. Il devint triste. Le Seigneur se mit à pleurer. Il me dit, « Regarde, on prêche beaucoup ma parole, mais ils ne veulent plus l'écouter. Le péché de cette ville est monté devant mon père. C'est une autre Sodome. » Et j'eus la vision des homosexuels qui défilaient dans les rues avec à leur tête des politiciens et des représentants de la ville. À ce moment-là, il me regarda fixement et dit, « Je suis vivant et ma justice descendra sur ce pays. » Alors je me mis à pleurer. Il dit, « Tu ne dois pas craindre parce que lorsque la justice de mon père descendra sur la terre, mon église ne fera plus partie de ce monde. » Je retournai me coucher et il me dit que nous allions faire un autre voyage. Je lui redemandai s'il s'agissait du voyage de ma mission, il me répondit non, et me demanda d'appeler tel frère, membre de notre église. Dis-lui que ton esprit va quitter ton corps, que ce corps va rester sans vie, et qu'il ne devra pas être remis à aucune autorité, aucun hôpital ou pompe funèbre. Parce que moi, le créateur de la vie, je prends ton esprit, mais ton esprit retournera dans ce corps. Dis-lui d'avoir confiance en moi et de dire à ton époux que je suis la résurrection et la vie, que celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, vivra. Puis il s'éloigna de mon lit, étendit sa main, et j'entendis cette parole merveilleuse, « Viens ». À ce moment-là, je ressentis une douleur immense qui remplissait mon corps. Sous l'effet de la douleur, mon corps se contorsionnait, pris de convulsions, et de cette enveloppe charnelle sortit un autre corps, lequel était vêtu de blanc, aussi resplendissant que le Seigneur, un corps devant lequel il n'était plus utile d'ouvrir des portes. Le Seigneur me dit, « Regarde, ce corps deviendra celui de mon peuple bientôt. » À ce moment-là, je regardais cet être intérieur qui tenait la main de Jésus, prêt à partir avec lui. Je regardais en arrière et je vis mon corps qui restait là, étendu sur le lit, livide, sans vie. Et le Seigneur me dit, « Il ne sert à rien, il n'est que poussière, et la poussière doit retourner à la poussière. Cet autre corps est celui qui m'appartient, l'esprit que j'ai donné à l'homme. Je croyais que Jésus allait m'amener au ciel parce que j'avais la certitude du salut. Mais nous avons commencé à descendre vers les profondeurs de la terre, jusqu'au cœur de la terre. Arrivé là, nous nous arrêtâmes devant un tunnel obscur et malodorant, quelque chose qui inspirait l'horreur. Je me tournai vers le Seigneur et je lui dis, « Seigneur, je ne veux pas aller dans cet endroit. » Mais il me répondit d'une voix forte, « Il est nécessaire que tu ailles là en premier, que tu vois ce qui se trouve dans cet endroit. » Nous nous engageâmes dans ce tunnel obscur et malodorant. Arrivé vers le milieu du tunnel, mon esprit commença à entendre et à vivre ce que dit la parole de Dieu. Cet endroit est le lieu des pleurs et des grincements de dents. Jusqu'à moi est monté un hurlement terrible que jamais je ne pourrais oublier, Église du Seigneur. Nous arrivâmes à la fin du tunnel obscur et nous nous arrêtâmes sur un rocher. Le Seigneur me dit, « Regarde !» Devant moi se trouvait un énorme gouffre, sans fin, un spectacle horrifiant, cet enfer réel et véritable, qui n'a rien d'une légende, qui n'a pas été inventé de toutes pièces par l'Église de Dieu. Je voyais tous ceux qui se trouvaient dans cet enfer. Leur corps était lacéré, tourmenté, c'était une vision d'épouvante. Je pleurais, je regardais le Seigneur, et il me dit, « Grave en toi ces lamentations. » J'entendais un cœur désespérant qui ne cessait de répéter, « Aïe ! Aïe, aïe, ceci est éternel. Il n'y a ici personne pour personne. Chacun se débat avec la souffrance éternelle, la douleur, l'horreur au siècle des siècles. Et je ressentis une grande responsabilité, car j'appartenais à l'Église de Jésus-Christ. Je me tournai vers le Seigneur et je lui demandai, « Seigneur, y a-t-il ici quelqu'un de ma famille ?» Le Seigneur me dit, « Je ne vais pas te permettre de voir quelqu'un de ta famille. Sais-tu pourquoi, Église de Dieu ?» Parce que très souvent nous prêchons Dieu à tout le monde, mais lorsque nous sommes en présence de notre Père, notre Mère, qui appartiennent à la grande Babylone, nous craignons de le faire de peur qu'ils se moquent. Mais il vaut mieux qu'ils se moquent, plutôt que de les laisser aller dans ce lieu de tourment. Je redemandai au Seigneur, « Y a-t-il quelqu'un de ma famille ici ?» Il me répondit de nouveau, « Je ne te permettrai pas de voir quelqu'un de ta famille. » J'insistai, « Y a-t-il quelqu'un que je connaisse ici ?» Il répondit, « Il y a quelqu'un, et je vais te permettre de le voir. » Et je vis un jeune homme qui venait des profondeurs de l'enfer. J'avais rencontré ce jeune homme lors d'une campagne d'évangélisation que nous avions tenue, mon époux et moi-même, en République dominicaine. Le plan du Seigneur était que les réunions se tiennent dans un foyer durant la journée. Mon époux prêchait la parole de Dieu. J'étais là, tranquillement à l'écouter, et tout à coup, j'entendis d'une manière audible la parole de Dieu qui me dit, « Lève-toi, Alexandre est là qui passe, va vers lui et parle-lui de moi, car je lui donne sa dernière chance. » Je regardai vers la rue et vis passer le jeune homme. Je m'approchai d'Alexandre, lui présentai Jésus-Christ comme le Sauveur et le Libérateur. Alexandre se mit à rire à gorge déployée. Il me dit, « Je ne crois pas que Dieu existe, je ne crois pas que Jésus-Christ existe. » Vous n'êtes qu'une bande de fous, de fanatiques, qui circulent dans le monde entier disant que le Christ vient, mais il ne viendra jamais. Alexandre était vraiment dans l'erreur. Je ressentis par l'esprit qu'il ne se moquait pas du peuple de Dieu, mais de Jéhovah, le Dieu des armées. Mais Jéhovah donne la vie et la reprend lorsqu'il le veut. Je dis à Alexandre, « Tu vas mourir très bientôt. Le Dieu que je sers m'a dit qu'il te donne ton ultime chance. » Il rit à nouveau. Il gesticulait et me dit, « Regarde-moi bien, je suis très jeune, trop jeune pour mourir. Il me reste encore une longue vie dont je vais jouir ici-bas. » Mais, Église de Dieu, Alexandre est mort, comme l'avait dit le Seigneur. 2 à 3 semaines plus tard, il fut tué. Il avait eu l'opportunité d'entrer dans le ciel par le salut au travers de Jésus-Christ. Il mourut ivre, et les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alexandre se retrouva en enfer, dans ce lieu de tourment. Je regardais ce jeune homme, ce visage connu. Je regardais son corps lacéré. Ce qui me frappa le plus, ce fut de voir d'énormes vers qui torturent ceux qui sont en enfer. Il s'agitait désespérément. Il fit monter des profondeurs de la terre un cri déchirant et me dit, « Aïe, aïe, aïe, ceci est pour toujours. » Il me reconnut de même que je le reconnus. Il me dit, « Il n'y a plus d'espoir pour moi. J'ai méprisé l'opportunité qui m'était offerte. Mais va et parle à ma famille, de façon à ce qu'elle ne vienne jamais dans ce lieu de tourment. Il est temps, Église de Dieu, que tu parles à ta famille. » Une partie de ces gens m'ont connu. Ils ont goûté au salut. Je veux te dire qu'il y a beaucoup de gens qui marchent dans les rues, qui sont égarés. Dis à mon peuple que le chemin n'appartient pas à celui qui le commence, mais à celui qui le finit. Et le chemin s'arrêtera le jour où nous arriverons à cette Jérusalem précieuse. Il est étroit, il est angoissant le chemin qui mène au ciel. Dans les derniers temps, il y aura beaucoup d'épreuves. Mon Église, mon peuple va être éprouvé comme l'or, et vous allez voir le chemin si étroit que vous penserez ne plus pouvoir avancer. Mais lorsqu'il sera le plus étriqué, alors je marcherai devant vous et je vous tiendrai par la main. Nous ne devons pas craindre, Église de Jésus-Christ, car le Seigneur marche devant nous comme un puissant géant. Il n'y a pas que cela. Il y a autre chose de très important, me dit-il. Il y a parmi cette multitude des gens qui disaient gloire à Dieu, alléluia, et qui ont perdu leur salut. Je ne comprenais pas ce que le Seigneur voulait dire, et je lui demandais, ces gens faisaient-ils partie de ton peuple? Il me répondit oui. Sais-tu pourquoi ils ont perdu leur salut? À cause du mauvais témoignage qu'ils avaient sur terre. Il y a beaucoup de croyants qui donnent un bon témoignage seulement enfermés entre quatre murs dans l'église, devant le pasteur et devant leur famille. Mais c'est une erreur. Les yeux de mon Père sont rivés sur la terre et il observe leur façon de marcher, de sortir, de parler. Église de Jésus-Christ, à ce moment-là, le Seigneur me dit, « Où que vous alliez, là vous suit le regard de mon Père. » Ils ont perdu leur salut parce qu'ils ne donnaient pas le témoignage de chrétiens. Ils ne parlaient pas comme des chrétiens, ne se conduisaient pas comme des chrétiens. Dis à mon peuple qu'il est temps qu'il soit irrépréhensible devant mon Père, devant le diable et devant le monde. Que le diable ne trouve aucune raison pour accuser mon peuple. Que le monde ne trouve aucune raison de le montrer du doigt. Ils sont nombreux parmi mon peuple, ceux que le diable accuse, que le monde accuse, parce qu'ils ont des raisons d'être accusés. Il est temps de vivre irrépréhensible. Il est temps, Église de Jésus-Christ, de dire non à cette chair pécheresse et de dire au Seigneur, crois en moi et que cette chair s'abaisse. Nous nous éloignâmes de cet endroit et nous rendîmes dans un endroit où se trouvait un énorme lac en ébullition qui dégageait une odeur désagréable. Le Seigneur me dit, c'est le lac de soufre et de feu qui est déjà préparé pour Satan, pour les faux prophètes, pour l'antéchrist. Je ne l'avais pas créé pour l'homme, mais c'est pourtant là qu'iront ceux qui ne m'auront pas accepté comme leur seul sauveur, ainsi que ceux qui n'auront pas accompli ma parole. À ce moment-là, Église de Jésus-Christ, le Seigneur se mit à nouveau à pleurer et me dit, « Ils sont plus nombreux ceux qui se perdent que ceux qui vont au ciel. » Et il me dit, « Regarde le nombre de ceux qui tombent chaque minute en enfer. Mon Église dort. » Il regarda de nouveau les temps de feu, pleura encore. Il me dit de nouveau, « Regarde !» Alors que mon peuple a le pouvoir, qu'il a ma parole et mon Saint-Esprit, mais qu'il est endormi, paresseux, fatigué. Il y a des religions démoniaques dans le monde entier qui disent à un grand nombre qu'il n'y a pas d'enfer, mais qu'il les précipite ici. Va et dis-leur que même si des milliers d'hommes disent que l'enfer n'existe pas, je peux t'assurer qu'il y a un enfer. Mon corps ne fut pas précipité dans cet enfer, mais la chaleur de ce feu qui ne s'éteint jamais remontait jusqu'à moi. Il existe un enfer, mais il y a aussi un ciel réel pour ceux qui servent le Seigneur. Nous commençâmes à remonter des profondeurs de la terre et nous montâmes jusqu'à un premier ciel, puis un deuxième ciel. Là, le Seigneur me montra le soleil et les étoiles et me dit, « Regarde, ces étoiles, je les appelle par leur nom, que les œuvres de notre Dieu sont grandes et merveilleuses. » Il me dit, « Tu vois ce soleil ? Seule ma parole fait que ce soleil éclaire les bons et les méchants. Mais le temps est proche où ce soleil n'éclairera plus et tout se transformera en ténèbres. » Nous continuâmes de monter jusqu'au troisième ciel. C'est le ciel de Dieu. Lorsque j'y arrivais, contrairement à ma descente aux enfers où je pleurais et me lamentais, je me sentis dans la paix. J'étais émerveillé. Devant moi se dressait une cité merveilleuse, non pas édifiée par une main d'homme, mais par celle du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Je voyais de hautes murailles entièrement faites d'or pur et de pierres précieuses. Je vis 12 portes. Chaque porte était une pierre précieuse, et devant chaque porte se tenait un ange puissant. Sur chacune d'elles était inscrit le nom d'une des tribus d'Israël. Je pensais que le Seigneur ne m'y laisserait pas entrer, mais il me regarda et dit, « Veux-tu y entrer ?» Je répondis, « Oui, Seigneur, je veux y entrer. » Il me dit, « Entre, car je suis la porte. » Je passai par cette porte merveilleuse. Je vis un jardin précieux où je trouvais des fleurs de différentes couleurs. Il me demanda si je voulais entrer dans ce jardin, et il me dit, « Entre, car je l'ai préparé pour toi et pour mon peuple. » J'entrai dans le jardin où je cueillais des fleurs dont je faisais de petits bouquets. Je courais comme une enfant, j'examinais les fleurs les plus magnifiques que j'ai pu voir au cours de ma vie. Elles exhalaient un parfum qui remplissait cette cité merveilleuse. Le Seigneur appela, et lorsque sa voix se fit entendre, un ange puissant s'approcha, et Jésus me dit, « Regarde, c'est l'archange Michaël. » C'est lui qui commande mon armée. Il me dit encore, regarde. Et je dirigeai mes regards vers l'une des extrémités du jardin. Je vis une armée à cheval. Il me dit, ce n'est pas une armée d'hommes, c'est l'armée de mon père, l'armée de Jéhovah, le Dieu des armées. Et cette armée est mise à ta disposition, mon peuple. Vous ne devez pas craindre, dit le Seigneur, plus nombreux sont ceux qui sont avec vous que ceux qui sont dans ce monde. Le Seigneur appela de nouveau un ange, aussi puissant que l'archange Michaël. Et il me dit, « Celui-ci est Gabriel, c'est un des messagers de mon peuple. » Il me dit ensuite des paroles que je garde comme un trésor dans mon cœur. Gabriel porte encore des messages à mon peuple. À ce moment-là, je regardais le Seigneur rempli d'émotion. Il me dit alors, « Je suis le même Dieu qui a marché avec Moïse. Je suis le même Dieu qui a marché avec Abraham. Je suis ce même Dieu qui, lorsqu'Élie réclamait le feu du ciel, le lui envoya. » Je suis ce même Dieu pour vous aujourd'hui. Je n'ai pas changé. Je suis le même hier, aujourd'hui et au siècle des siècles. C'est toi, mon peuple, qui a changé. C'est toi qui penses avoir un Dieu médiocre, un Dieu limité. Mais je suis le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Et c'est ce Dieu tout-puissant que vous devez servir. Ensuite, il ajouta, « Je vais te montrer maintenant la condition de mon peuple de ces derniers temps. Je regardais le peuple de Dieu, l'église de Jésus-Christ, et je voyais une église faible et tremblante. Et le Seigneur me dit, « Crois-tu que je puisse relever une église comme celle-là ? » Alors que l'église que je veux lever est une église glorieuse, sans tache ni flétrissure. Il y a dans mon peuple du mensonge, de la division. Il n'y a pas d'amour dans mon peuple. Mon peuple est divisé, insista le Seigneur. Tu as vu l'état de mon peuple ces derniers temps. Je vais te montrer maintenant comment marchait l'église primitive. Et c'était comme si à ce moment-là, je me retrouvais dans l'église apostolique. C'était une église glorieuse, puissante, une église de jeûne et de prière, une église qui prêchait la parole du Seigneur sans aucune crainte. Elle n'avait pas peur de prêcher la parole de Dieu. Et le Seigneur me dit, « Regarde !» Ce fut comme un défi qu'il me lança dans cette Jérusalem précieuse lorsqu'il me montra l'église primitive. Vous croyez que j'ai changé, que mon Saint-Esprit n'est plus le même? Je suis le même, mon Saint-Esprit est le même. Votre grand défaut, mon peuple, c'est que vous êtes installé dans une routine, dans un programme d'homme. Et vous avez oublié que le programme, c'est mon Saint-Esprit qui le fait descendre du ciel. Il me dit, va, et dis à mes serviteurs, les pasteurs, qu'il n'y a plus de temps pour la routine, plus de temps pour les programmes d'homme. Il est temps de saisir la direction du Saint-Esprit, et vous verrez le Saint-Esprit qui agissait dans l'Église primitive. Vous le verrez dans les derniers temps faire des miracles, des prodiges, au travers des saints de ces derniers temps. Le Saint-Esprit de Dieu n'a pas changé, c'est nous qui avons changé, Église du Seigneur. Il est temps de revenir à la foi primitive. Il est temps de redevenir l'Église des premiers temps, parce que, m'a dit le Seigneur, c'est cette Église que je vais lever. Mon peuple a oublié de me louer, il s'est installé dans la routine, dans les programmes d'hommes, il a oublié que j'habite dans la louange. Il est temps de louer Dieu. La première chose que l'on doit offrir au Seigneur, c'est la louange à celui qui vit éternellement, à celui qui vit au milieu des louanges de son peuple, à celui qui guérit, à celui qui libère, à celui qui sauve. Il est temps de plier le genou, il est temps de jeûner, il est temps d'acclamer le Seigneur. Le Seigneur me dit, vous êtes de ce monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde. Et même si les hommes sont contre, même si Satan est contre, il y aura un grand réveil. Mon Saint-Esprit va reprendre le contrôle, et en même temps, il va aussi dévoiler tout ce qui est occulte, tout ce qui est honteux parmi mon peuple. Dans cette période de réveil, il se passera ce qui s'est passé du temps d'Ananias et de Saphira, car il y a beaucoup de menteurs parmi mon peuple. Je quittai le jardin et je remontai une rue pavée d'or. Et le Seigneur me dit, touche, car elles existent bien, ces rues pavées d'or. Lorsque mon serviteur Jean a dit qu'il avait vu des rues d'or, c'est parce qu'elles étaient en or. Va et dis à mes serviteurs que très bientôt, ils pourront marcher dans ces rues, faites par les mains du Créateur de la vie. Et qu'il est bon de marcher dans ces rues, Église du Seigneur. J'arrivai devant un grand trône magnifique, et je vis des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins. Je voyais 24 trônes, et sur ces 24 trônes étaient assis 24 anciens. Je regardais ces êtres vivants qui ne cessaient de louer, de glorifier celui qui était assis sur ce grand trône. Ils disaient, « Saint, Saint, Saint Jéhovah, le Dieu des armées, le ciel et la terre sont remplis de ta majesté et de ta gloire. Amen, Amen, Amen. » Et le ciel se remplissait de louanges. Ces 24 anciens ôtaient leur couronne, se prosternaient et louaient celui qui est, qui doit venir, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et le Seigneur me dit, si les anges me louent, si les 24 anciens me louent, si les chérubins me louent, si les séraphins me louent, qu'êtes-vous pour ne pas me louer, pour ne pas louer et glorifier celui qui est mort pour vous, celui qui vous a donné la vie, celui qui s'est chargé d'une lourde croix? Il est temps de louer Dieu, de lever des mains saintes, de louer et de glorifier celui qui vit au milieu de la louange de son peuple. Un fleuve d'eau vive sortait de ce trône merveilleux. À une extrémité du fleuve et des rues pavées d'or se dressait l'arbre de vie. Tout autour du grand trône, il y avait un arc-en-ciel. Devant le trône, une mer comme du cristal. Je demandais à Jésus, « Seigneur, qui est assis sur ce trône ?» Il me répondit, « C'est mon Père, Jéhovah, le Dieu des armées. » Je lui dis, « Seigneur, laisse-moi voir le Père. » Il me répondit que le temps n'était pas encore revenu de voir le Père. Mais je savais que le Dieu qui se tenait là était un Dieu tout-puissant, car de son trône jaillissaient des éclairs, des grondements de tonnerre, et les louanges retentissaient. J'entendais une multitude dont les alléluia ressemblaient au bruit tumultueux des grandes eaux. Leur voix se mélangeait à celle des anges et des archanges, et tous disaient « Alléluia ! » Et le Seigneur me dit « Écoute, vous êtes cette multitude, les rachetés qui bien trop viendraient me louer devant ce trône, devant mon Père. » Je vis ensuite sept anges qui portaient sept coupes d'or, sept anges qui tenaient sept trompettes. Je fus très frappé par ces anges, parce que c'était comme si on avait dit à cet homme, puis à cet autre, « Attendez-moi là, attends que je revienne vous donner les ordres. » Je demandai au Seigneur « Qui sont ces sept anges qui portent les coupes ?» Il me dit « Ces anges portent les coupes, pleines de la colère de mon Père, et très bientôt, elles seront répandues sur les habitants de la terre. » Et il me dit alors des paroles précieuses. Il me dit « Lorsque ces coupes seront déversées, lorsqu'on jouera de ces trompettes, mon Église aura été enlevée. » Et elle ne passera pas par la grande tribulation. Avant que ce singe ne se manifeste, ce singe, cet homme de péché, mon Église entendra le chant final de la trompette et elle sera emportée dans les nuées. Je restais un peu plus longtemps devant le trône et, lorsqu'il se fut passé un peu de temps, le Seigneur revint et s'arrêta à la droite du Père. Il me toucha et me dit « Regarde ». Je regardais, et à ce moment-là, l'église du Seigneur était enlevée du milieu de la terre. Des milliers et des milliers disparaissaient. Les maternités où se trouvaient les nouveau-nés restaient vides. Les parents cherchaient leurs enfants. Le monde était consterné. Il y avait un grand désespoir dans le monde. Les gens couraient de part et d'autre. La nouvelle était diffusée à la radio et à la télévision. Les journaux la diffusaient en première page, en titre rouge gigantesque. Des millions et des millions de personnes ont disparu. Le Seigneur me dit, très bientôt, on entendra cette nouvelle dans le monde entier. Bientôt, on verra dans les premières pages des journaux, des milliers et des milliers de personnes ont disparu. Aussitôt que l'église fut enlevée, le Seigneur me dit, c'est à cause de mon peuple, de la fiancée et de l'époux que je n'ai pas envoyé mon jugement plus tôt sur la terre. Lorsque l'église fut enlevée, l'homme d'iniquité et de péché commença à agir. Il apporta les solutions aux problèmes de l'humanité, et les hommes de la terre oublièrent leurs problèmes. Ils criaient paix, sécurité. Il y avait de l'argent, de la nourriture, du travail, et l'humanité, oubliant Dieu, disait, cet homme est celui qui devait tout rétablir. Église de Dieu, la trompette retentit, et à ce moment-là, je dus me raccrocher au Seigneur, car la vision devenait épouvantable. Les autres sons de trompette suivirent, et les jugements de Dieu se déversaient, l'un après l'autre, sur l'humanité. Un ange se leva du trône et vola au-dessus de la terre, gémissant sur l'humanité et disant « Malheur à vous lorsque la trompette retentira de nouveau !» Et la trompette retentit, le Seigneur commença à ouvrir les seaux et je fus effrayé par un immense tremblement de terre qui secoua la surface du globe et je voyais des pays entiers disparaître. Église de Jésus-Christ, je regardais et je vis une grande multitude face à une guillotine ensanglantée. Et le Seigneur me dit, regarde, tout cela faisait partie de mon peuple. Je ne comprenais pas. Alors le Seigneur me dit, regarde, ceci étaient des pasteurs. Ces paroles étaient saisissantes. Je demandais, Seigneur, pourquoi reste-t-il un si grand nombre de tes enfants dans cette grande tribulation? Pourquoi y a-t-il des pasteurs alors qu'ils prêchaient ta parole? Et le Seigneur me dit, « Ils prêchaient ma parole, mais ils ne la vivaient pas. Il faut la prêcher, mais il faut aussi la vivre. » Et à ce moment, il me montra une autre multitude de pasteurs. En ce qui concerne cela, ils ne prêchaient plus ma parole, car le siècle présent ne permettait plus que l'on prêche ma parole telle qu'elle est. Ils ne prêchaient plus ma parole à mon peuple, parce qu'à son écoute, ceux qui donnaient les plus grosses dîmes et les plus grosses offrandes quittaient l'église, et leurs yeux étaient fixés sur l'argent. Le Seigneur me dit encore des paroles précieuses. « Va et dis à mes serviteurs que c'est moi qui les ai appelés. Je suis le détenteur de l'argent et de l'or, et je vais pourvoir à leurs besoins conformément à ma richesse et à ma gloire. Il faut prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est. » Il y en a beaucoup qui disent « C'est une mauvaise interprétation. » Mais il me dit « Elle est telle qu'elle est. C'est ainsi que je voulais laisser, et ils ne doivent pas l'adultérer. » Mais sur cette terre, il y a des adultérateurs de la parole au milieu de mon peuple. Église du Seigneur, je vis ensuite une porte magnifique. Nous entrâmes par cette porte dans une antichambre de cette Jérusalem précieuse. C'est ici le paradis. Et là, je vis des serviteurs de Dieu qui dormaient auprès de lui. Je vis Pierre, Jean et Paul. Et je lui demandai, où se trouve Abraham ? Je pensais voir un petit vieillard courbé, et je vis venir un jeune homme d'environ 25 ans. Et le Seigneur me dit, regarde, c'est Abraham, c'est le père de la foi. Mais ce que j'appréciais le plus dans cet endroit, c'est qu'il n'y avait personne qui fût plus grand qu'un autre. Là-bas, tous adoraient et glorifiaient celui qui se tenait là dans le ciel merveilleux. Alors, le Seigneur appela une femme aussi merveilleuse que toutes celles qui se trouvaient là, et il me dit, « C'est Marie. Va, et dis-leur que Marie n'est pas la reine du ciel. Je suis le roi du ciel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui te dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et c'est seulement au travers de Jésus-Christ que l'on arrive au Père. Il me dit, va, et dis-leur, et je te dis, moi, Église, va, et dis à cette humanité qu'ils ont les yeux voilés. Il me dit encore, va, et dis-leur qu'il n'existe pas de purgatoire. S'il avait existé, je te l'aurais montré, de même que je t'ai montré l'enfer, le gouffre de feu, la Jérusalem céleste et le paradis. Je dis, va, et dis-leur qu'il n'existe pas de purgatoire. C'est un autre mensonge du diable et de l'homme dont il tire profit. Il n'existe pas de purgatoire. Je retournai dans la Jérusalem céleste et il m'amena face à un entrepôt où se trouvaient des vêtements blancs de lin très fin. Je lui demandai à quoi servaient ces vêtements et il me répondit que ces vêtements avaient été préparés pour être utilisés aux noces de l'agneau. Je vis aussi un autre entrepôt où étaient stockées les couronnes et je lui dis, Seigneur, que sont ces couronnes? Il me dit, ce sont les couronnes de la vie. J'arrivais ensuite dans un endroit où se trouvait un énorme livre en or. Le Seigneur s'approcha de ce livre et l'ouvrit. Je n'osais m'approcher, mais il me dit, « Approche, c'est le livre de la vie. » À aucun moment, durant mon expérience céleste, je ne m'étais souvenu que j'avais des enfants, que j'avais un mari. Je le réalisais tandis que le Seigneur feuilletait ce livre. Le doigt de Dieu s'arrêta sur une page et il me dit, « Regarde. » Et je vis apparaître le nom de l'église à laquelle j'appartenais. Il se passa quelque chose d'étrange. Je recherchais les noms des membres de mon église, mais certains d'entre eux n'y figuraient pas. C'étaient pourtant des frères musiciens, des frères qui chantaient. Il y en avait plusieurs parmi eux qui prêchaient. Je demandai au Seigneur pourquoi leur nom n'apparaissait pas dans le livre de vie. Il me dit, leur nom a été gommé du livre de vie à cause des mauvaises actions qu'ils commettent sur terre. Mais alors que je me tenais face à ce grand livre, j'eus la vision des frères qui s'avançaient, qui se réconciliaient sur terre avec le Seigneur, et leur nom réapparaissait à nouveau dans ce grand livre de la vie. Église de Jésus-Christ, je vais passer maintenant à la dernière expérience que j'ai faite. Cela fait environ 1 an et 10 mois. Alors qu'une réunion se déroulait dans mon foyer, des frères se préparaient pour dispenser l'enseignement. Nous pensons qu'il est important d'enseigner. C'est aussi ce que le Seigneur nous a demandé, dispenser la parole à nos frères et être des disciples. Tu dois être un disciple, comme je dois être une disciple. Nous avions l'habitude de commencer toujours nos réunions par la louange. Nous étions donc en train de louer Dieu. Il y avait là une vingtaine de personnes et je ressentis que nous étions en train de vivre une nouvelle Pentecôte. Nous avancions dans la louange et l'adoration et je me souviens que la maman de mon époux entra. C'est une petite ancienne très active dans les choses du Seigneur. Elle me dit, « Bernarda, il faut stopper la louange. » Il faut dire que j'habite dans une copropriété et il y a un policier qui veille 24 heures sur 24. Et il est formellement interdit de faire du bruit, et nos louanges étaient aussi bruyantes que le bruit de grandes eaux. Elle me dit, il faut tout arrêter, car des gens se sont plaints. Je me levai donc pour arrêter la louange, lorsque j'entendis très clairement la voix du Seigneur qui me disait, ne le fais pas, parce que lorsque ces gens se réunissent pour danser pour le diable et les détritus de ce monde, personne ne leur demande de s'arrêter. Continuez vos louanges et vos adorations. Nous continuâmes donc à louer et à glorifier le Seigneur. Je regardais la tournure que prenait cette réunion, et il arriva un moment où je me dis que quelque chose de grand allait se produire là, dans cet endroit. Durant un moment, je restais tranquille, pensive, et je me souvins de certaines paroles que le Seigneur m'avait dites lors de ma première expérience. « Je viendrai te chercher, je te prendrai, et tu resteras auprès de moi. » Je me mis donc à discuter avec Dieu, et je lui dis, « Seigneur, je ne peux pas partir encore avec toi, il faut que je porte ton message à tous afin que ton peuple se prépare. » Mes enfants sont encore trop petits. Le Seigneur ne me répondit rien. Puis je vis une lumière qui remplit tout l'appartement. Elle jaillissait comme d'un écran géant, et je ne fus pas la seule à la voir. Un grand nombre de ceux qui étaient là la virent aussi. La pièce s'illumina. Ils tombèrent prostrés sous la puissance du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant. Je continuai à parler avec mon Dieu et d'avoir le sentiment que quelque chose de grand allait se produire. Parce qu'à ce moment-là, je vis la lumière prendre corps, et elle prit le corps de mon Seigneur Jésus-Christ. Je regardais ce Dieu puissant, je regardais ce Dieu glorieux, aux yeux semblables à des flammes de feu, au regard si serein, au visage si aimant, Il n'y en a point de pareil ici-bas. Il se déplaçait dans l'appartement, s'entretenait avec chacun des frères. Mais je continuais de parler à Dieu, et je lui dis, « Il est donc temps maintenant que je parte avec toi. » J'aurais voulu pouvoir dire aux frères ce qui allait se passer. J'aurais voulu leur faire savoir que je partais avec le Seigneur. J'essayais de leur parler dans ma langue terrestre, l'espagnol, mais les paroles que je prononçais n'étaient pas en espagnol, c'étaient des paroles en langue. Il y avait près de moi une sœur, je l'enlaçais, et au travers de cette étreinte, je souhaitais lui faire comprendre que je partais avec le Seigneur. Je vis le Seigneur s'approcher de moi, il me regarda de son précieux regard, de son visage merveilleux et serein. Il s'approcha si près, et lorsque son regard pénétra le mien, il ne dit aucune parole. Mon esprit commença à se séparer de mon corps, et mon enveloppe terrestre s'écroula sur le tapis. Mon esprit flottait dans l'air, et je voyais ce qui se passait. Deux policiers arrivèrent et tapèrent à la porte de mon appartement. Ils dirent à mon époux, lorsqu'ils ouvrirent la porte, « Nous devons entrer car nous avons été prévenus qu'une femme est morte chez vous, et nous devons constater ce qui s'est passé. » Mon époux regarda mon corps qui était allongé sur le tapis, sans vie, et il répondit, « Il ne s'est rien passé ici, nous ne faisons que louer et glorifier Dieu. » Ils insistaient pour entrer, mais je sais que l'Esprit de Dieu les en a dissuadés. « Ok, nous partons, mais louez Dieu un peu moins fort. » Le Seigneur prit mon esprit par la main, et je fus transporté à la République dominicaine. Il me conduisit dans la capitale et me dit, « Regarde, il faut que tu viennes très vite dans ce pays, parce qu'il y a deux grands péchés qui se dressent devant mon Père. Il s'agit de la sorcellerie et de l'idolâtrie. Et je voyais ce peuple marcher derrière les idoles, derrière la sorcellerie, c'était effrayant. » Il me dit, « J'enverrai d'abord mon serviteur, Gigi Avila, et lorsqu'il sera parti, tu iras leur porter ce message. » Je ne vis pas le frère Gigi pour lui donner le message que le Seigneur lui envoyait, mais les choses se déroulèrent telles qu'il me les avait dites. J'arrivais à la République dominicaine au moment où Gigi l'a quitté, Église du Seigneur. Je fus ensuite transporté au Venezuela, et le Seigneur me dit que les péchés du Venezuela étaient les mêmes que ceux de la République dominicaine. Et si ce peuple ne tourne pas son visage vers moi, j'enverrai de grands jugements. Le Seigneur me montra, jugement après jugement, tout ce qui devait arriver. Je fus encore transporté à Mexico, et le Seigneur me dit que les péchés étaient encore les mêmes qu'au Venezuela et à la République dominicaine, la sorcellerie et l'idolâtrie. Je me promenais en esprit au-dessus de Mexico, et je voyais les hommes marcher derrière les idoles. Je voyais les autels qui avaient été construits pour les démons. Ce péché est monté devant mon Père. Tu dois porter mon message à Mexico, au Venezuela et à la République dominicaine. Et le premier signe auquel tu reconnaîtras que j'envoie ma justice, c'est qu'il y aura un grand tremblement de terre sur Mexico. Cela fait exactement un an ce mois-ci que je suis allé à Mexico pour porter ce message. Je les avais avertis de ce que Dieu m'avait dit. Je les avais avertis de tourner leur visage vers Dieu, d'abandonner la sorcellerie et l'idolâtrie. Et lorsque j'appris la nouvelle du tremblement de terre qu'il y a eu sur Mexico, je m'effondrais en larmes. Je disais, « Seigneur, n'ont-ils pas tourné les regards vers toi ? Car tu m'avais dit que s'ils regardaient à toi, tu n'enverrais pas ton jugement sur eux. » C'était un jugement terrible. Il m'amena dans un lieu différent, et pendant que je me trouvais là en esprit, Jésus me dit, « La main de mon Père est sur les habitants de la terre pendant les derniers temps, et ce n'est pas une bonne chose pour eux. » Et je voyais le jugement de ce grand Dieu, de ce Dieu puissant qui descendait d'une manière surprenante. Et ces jugements, Église de Jésus-Christ, nous allons le voir descendre jour après jour. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit l'Esprit. Je regardais vers la terre et je vis un endroit de la planète. La mer était soulevée par des vagues gigantesques. J'avais l'impression que la mer était un monstre qui hurlait et gémissait d'une manière épouvantable. Je tremblais et je regardais cette mer qui se soulevait comme un monstre, qui sortait de son lit et qui s'avançait sur la terre. C'était effrayant. Je voyais des ouragans qui déferlaient et arrachaient tout sur leur passage. Je reconnaissais cet endroit et je savais qu'il y avait là un grand nombre d'enfants de Dieu. Je me tournai vers Jésus et lui dis, « Lorsque tout cela arrivera, Seigneur, que va-t-il se passer pour nous, ton peuple ?» Et le Seigneur me dit, « Va, et dis-leur que pas un cheveu de la tête de ceux qui me seront fidèles ne sera touché. » Il me transporta dans un autre lieu et je vis sur la terre des crevasses gigantesques. Il me dit, « Très bientôt, des pays entiers vont être engloutis. » Je fus transporté dans un troisième lieu, et je vis de nouveau la mer déchaînée. Les eaux étaient turbulentes, et nous pénétrâmes dans ces eaux. Nous arrivâmes au cœur de la terre. Nous nous trouvions là, face à un tunnel fermé par deux immenses portes. Ce n'était pas la même porte que j'avais empruntée lors de ma première expérience. Ces portes-là étaient immenses. Elles étaient fermées avec des grosses chaînes. Le Seigneur ôta ses chaînes et me dit « Entre ». Le Seigneur paraissait pressé. Nous entrâmes et ce tunnel paraissait sans fin. Je restais là, sans bouger, pétrifié. Ce que je voyais était horrible. Je voyais une multitude en haillons, le visage face contre terre. Leurs vêtements étaient sales, déchirés. Ils traînaient d'énormes chaînes qui faisaient un bruit terrible. Je dis au Seigneur, « Mais qui est cette multitude qui marche dans ce tunnel ?» Il me répondit, « C'est ainsi que chemine l'humanité vers l'enfer. » Je vis dans cette foule un visage qui m'était familier. C'était le frère aîné de mon époux, un homme de péché. Il maudissait Dieu. Il prenait le mariage à la légère et divorçait tous les ans. Lorsque je reconnus le visage de mon beau-frère, je m'accrochai au Seigneur, le suppliant de me laisser retourner sur terre, ne fût-ce qu'un instant, pour prévenir Adolphe qui se dirigeait tout droit vers l'enfer. Le Seigneur ne me répondit rien, et je voyais dans ma vision mon beau-frère et son épouse près de tomber en enfer. Et je dis au Seigneur, « Laisse-moi retourner maintenant sur la terre, à cause de cette multitude qui marche vers l'enfer. » Mais là, dans les profondeurs de la terre, la voix du Seigneur retentit, et là, dans ce tunnel, il éleva ses mains. Et ce fut à ce moment précis une menace pour toute l'humanité de ne pas connaître le Seigneur. Il abaissa ses mains et me dit d'une voix puissante, « Va, et dis-leur que le temps s'achève et que des milliers et des milliers tomberont en enfer dans les derniers temps. » Il me regarda et me dit, « En ce qui concerne Adolphe, son heure est venue de mourir. Et savez-vous ce qui s'est passé, Église du Seigneur ?» Adolphe travaillait de nuit et il rentra chez lui désespéré. Il pleurait et dit à son épouse, « Je n'ai pas pu travailler car j'ai le pressentiment que je vais mourir. » En le voyant pleurer, sa femme se moquait de lui et lui dit « Tu es encore ivre comme d'habitude. » Plus tard, elle nous raconta qu'elle était allée se coucher et qu'elle eut la vision de ce tunnel dans lequel elle se voyait avancer au milieu d'une foule de gens vêtus en haillons et traînant des chaînes sur le point de tomber en enfer avec son mari. Puis elle entendit une voix qui disait « Le temps s'achève. » De là, le Seigneur me transporta au bord du gouffre que j'avais vu lors de ma première vision. Et il me dit, « Sais-tu pourquoi je t'ai ramené ici ? C'est pour que tu vois que le nombre de ceux qui se perdent a doublé depuis ta première expérience. Nous n'avons plus de temps à perdre, c'est le temps de Dieu. Il faut travailler, prêcher la parole, il faut dire à cette humanité que Christ revient. » Nous sortîmes des profondeurs de la terre à la vitesse de l'éclair. Nous traversâmes le premier ciel, puis le deuxième le ciel, et arrivâmes au troisième ciel. Là, je constatai une agitation qui n'existait pas lors de ma première expérience. Je voyais les anges qui s'affairaient comme lorsque l'on prépare une grande fête ici-bas. Je fus frappé par cette agitation et je demandais au Seigneur quelles en étaient les raisons. Il me répondit, « Tu es surprise par ce que tu vois ici, mais je vais te montrer maintenant ce qui se passe sur terre durant les derniers jours. » Et je voyais les démons envelopper la terre. Jésus me dit, « Le diable et ses démons se sont jetés avec furie contre l'humanité, contre mon peuple. Il agit ainsi parce qu'il sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Et je vis un grand nombre de démons furieux. » Jésus m'expliqua qu'il s'agissait de démons d'adultère et que dans les derniers temps, ces démons prendraient possession de la terre et attaqueraient des milliers de mes serviteurs et un grand nombre d'entre eux chutera à cause de ce péché. Et malheureusement, j'appris avec beaucoup de douleur à quelque temps de ma vision que certains serviteurs étaient tombés dans l'adultère. Le Seigneur me dit, « Ce n'est plus le temps de vous confier dans vos propres forces. Connais-tu le vide que le diable est en train de faire parmi mes serviteurs ? Le premier moyen utilisé, c'est que ces derniers volent ma gloire. Ils se l'approprient et deviennent orgueilleux. Ils oublient que la gloire doit toujours me revenir. Le deuxième moyen utilisé, c'est la destruction des couples de pasteurs. Et c'est avec finesse et subtilité qu'ils les amènent à avoir moins de considération pour leurs épouses, en les comparant à certaines sœurs de l'Église, tout en se disant dans leur cœur, « Je voudrais tant que mon épouse ressemble à cette sœur. » Et c'est ainsi qu'en confessant de leur bouche, ils permettent à l'esprit d'adultère de les entraîner dans la chute. Il est temps pour nous, mes sœurs, d'être vigilantes quant à nos foyers, car la femme sage bâtit sa maison. Le Seigneur me dit, « Maintenant que tu as vu ce qui se passera dans les derniers temps sur terre et l'action importante du diable, tu vas comprendre pourquoi il y a tant d'agitation dans le ciel. » Je regardais et vis une multitude d'anges armés pour la bataille que je ne pouvais compter. Jésus me dit, « Je vais les envoyer maintenant pour veiller sur mon peuple. » J'ai doublé le nombre des anges qui se trouvent sur terre. Le nombre des démons a aussi doublé. Mais notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est plus grand que le diable, que les démons. Mais en ce qui te concerne, tant que tu te tiendras près de lui et que tu lui seras soumis, il ne t'arrivera rien. Le Seigneur me transporta rapidement auprès de la Jérusalem céleste, jusqu'aux entrepôts où étaient stockées les couronnes. Mais le dépôt était vide. Je demandai où se trouvaient les couronnes, mais il ne répondait pas. Il m'amena ensuite au dépôt où se trouvaient les vêtements blancs de lin fin. Il était vide lui aussi. Je lui demandai ce qu'étaient devenus ces vêtements. Il ne me répondit pas. Je fus transporté dans la grande salle où se trouvait la table immense que j'avais vue lors de ma première vision. Il y avait tout autour des chaises en or. Chacune d'elles portait un nom. La table était dressée, prête pour célébrer un festin, avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je vis ensuite une chaise immense, et face à elle était posée une énorme coupe en or. Le seigneur me dit, « Approche-toi et regarde dans la coupe. » Et je vis que la coupe était pleine. À ma grande stupéfaction, je vis que sur le dossier de chacune des chaises reposait un vêtement blanc, et que devant chacune des chaises sur la table était placée une des couronnes de vie. Mais que je reviens. Le Seigneur me regarda fixement et me dit, « J'ai fait lever sur terre mon serviteur, et ce n'est pas un prédicateur ordinaire. Je l'ai élevé comme un prophète, et de la même façon que Jean-Baptiste avait préparé ma venue, il préparera mon retour. Va, et dis à mes serviteurs qu'ils ne doivent plus dire au monde que je reviens bientôt, mais que je reviens, que tout est prêt. » Il prit un vêtement de lin blanc qu'il me demanda de revêtir, et me coiffa d'une couronne, puis m'amena devant un écran que j'appellerai le miroir de Dieu, me prit par la main et me regarda dans ce miroir. En me regardant, il me dit, « N'est-il pas vrai qu'il ne porte aucune tache, aucune flétrissure ?» Je lui répondis, « C'est vrai, Seigneur. » Il me dit, « Aucun de ceux qui n'auront revêtu ce vêtement ne pourront passer par cette porte et s'asseoir à cette table. » Il y en a un grand nombre sur terre qui l'ont taché et flétri, et plusieurs parmi mon peuple qui l'ont rangé. Dis à mon peuple qu'il est temps qu'il s'en revête. Il est temps pour ceux qui l'ont taché de demander à mon Saint-Esprit de nettoyer ce vêtement. Il est temps aussi pour ceux qui l'ont froissé de le défroisser. Il est temps qu'ils demandent, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il me dit ensuite, ici, très bientôt, nous célébrerons le festin dans le règne de mon Père. Il me prit par la main et je traversai à nouveau ses portes pour me retrouver à nouveau dans le paradis. Lors de ma première expérience, le Seigneur me fit une promesse que je vais vous raconter. Je suis issu d'une famille divorcée et pendant un certain temps, j'ai vécu avec mon père qui était athée. Mais ma mère est issue d'une famille très religieuse. Une de mes sœurs est religieuse et je sais que très bientôt elle quittera le couvent et qu'elle prêchera Jésus-Christ à mes côtés. Ma mère était donc une femme très religieuse, et souvent j'ai pleuré en disant au Seigneur, « Ma mère est perdue, car très souvent je lui parlais de Dieu, mais elle n'écoutait pas. Elle était très idolâtre. » Lors de ma première expérience donc, le Seigneur m'avait dit, « Je sauverai ta mère et la rappellerai auprès de moi de suite, afin qu'elle ne perde pas son salut. » Quelques années s'étaient écoulées depuis que le Seigneur m'avait fait cette promesse, et ma maman n'était toujours pas sauvée. Chaque fois que je priais, je suppliais le Seigneur de la sauver et de la reprendre auprès de lui comme il me l'avait promis. Le Seigneur se servit de mon fils, Herman. Il était parti dormir chez sa grand-mère, qui habitait la même résidence. Il lui parla de Jésus-Christ, car Herman prêche toujours la parole. Et ce jour-là, elle reçut Jésus-Christ comme son sauveur. Et 3 jours plus tard, elle était décédée. Et alors que je me tenais là, dans ce paradis, le Seigneur me montra une femme qui se trouvait là, parmi d'autres femmes. Et il me dit, « Ce que je dis, je l'accomplis. Ta mère est là. » Et je la reconnus. « Elle attend l'enlèvement de l'église, me dit-il. » De là, il m'amena dans un endroit où se trouvait un grand nombre d'enfants, vêtus de blanc, qui louaient et glorifiaient Dieu, et me dit, « Tous ces enfants sont ceux qui ont été avortés dans les derniers temps, que des médecins et des mères assassins tuent jour après jour. On les retrouve dans les décharges, les rivières, n'importe où. » Il y a à peu près 4 ans, j'ai perdu un enfant que j'ai beaucoup pleuré, et je disais au Seigneur, « Pourquoi as-tu permis que je perde cet enfant que je désirais alors que d'autres n'en veulent pas ?» Et le Seigneur, dans sa bonté, me montra un enfant et me dit, « Regarde, cet enfant est celui que tu as perdu. Cette multitude d'enfants sont ceux qui ont été assassinés sur terre. L'humanité se donne bonne conscience en disant qu'ils sont sans vie, mais la vie est en eux dès l'instant où ils sont dans le sein maternel. » J'étais revenu dans la Jérusalem céleste. Il me dit, « Il faut que tu te presses. Il n'y a plus de repos pour toi. Je suis ta force. » Il faut te dépêcher d'apporter ce message. Ce message va toucher le monde entier. Il s'adresse à tout mon peuple, toi inclus, les pasteurs inclus, les évangélistes inclus. Que celui qui est saint se sanctifie encore. À ce moment-là, les portes du ciel s'ouvrirent. Un escalier en descendit. Le Seigneur appela une multitude d'anges. Ce même Dieu qui m'avait enlevé un esprit me ramena dans l'appartement. Mon esprit flottait dans l'air, tandis que le Seigneur était occupé avec les frères et les serviteurs de Dieu, qui était là, dans l'attente de me voir réintégrer mon corps. Lorsqu'il eut fini avec ses frères, Jésus me regarda, et je compris qu'il allait ordonner à mon esprit de réintégrer mon corps. Je regardai alors vers ce corps étendu sur le lit, qui était pâle et très amaigri, les yeux enfoncés, les lèvres enflées. Je considérais ce corps si laid, et je disais au Seigneur, « Je refuse de réintégrer ce corps si laid. Je veux repartir avec toi. » Mais il me dit que le temps n'était pas venu pour moi de le suivre, mais je devais apporter ce message afin que le peuple de Dieu se prépare. La voix du Seigneur retentit fortement dans la chambre. Il dit, « Réintègre ton corps et reçois la vie. » Mon esprit se mit à bouger dans les airs, car l'ordre qu'il venait de recevoir n'était pas donné par un homme quelconque, par un prophète quelconque, mais par le Créateur de la vie. Il s'approcha de mon corps, se retourna et me dit à nouveau, « Réintègre ton corps et reçois la vie. » Et puis, près de mon corps, cette voix retentit, « Je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi, quand bien même il serait mort, vivra, entre et reçoit la vie. » Ainsi, Église du Seigneur, tel est le message que le Seigneur t'envoie, afin que tu te prépares. Nous espérons que ce message vous a plu, et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com, sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.